N'essayez pas de régler le volume de ce fichier sonore. Nous contrôlons tout ce que vous écoutez. Une nouvelle forme de divertissement est arrivée. Ceci est un podcast produit par Nerdstalk.net. Nerdstalk.net. Scene 1, Apple, take 1. Bonjour et bienvenue pour ce numéro 10 du podcast Movies Nerd. On se retrouve ce mois-ci avec mes co-présentateurs. Donc, je suis votre présentateur comme d'habitude, Axel, mais vous me connaissez au bout d'un moment. Avec mes co-présentateurs, Eddie et Quentin. Bonjour. Salut. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Ça s'est bien passé ? Un mois assez chargé en cinéma ou... Non, pas du tout. Hein. Pour moi, personnellement, c'était calme. Ouais, hein. Ouais, c'est, je pense qu'on est tous... c'était un peu le camouflage niveau sortie cinéma, hein, après le déferlement des blockbusters du mois d'août. C'est sûr que en septembre, c'est plus la même chose. Bah non, on a rentré. Hein. Ouais, voilà. Donc, je vais vous faire le sommaire de l'émission et après on est parti direct pour les news. Donc, on commencera avec les news cinéma du mois de septembre. Ensuite, ce sera le Vidéo Club Movies Nerd sur Sin City. Nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Le film du mois sur Sin City 2. L'agenda cinéma du mois d'octobre. Les bandes annonces du mois. Et ensuite, ce sera déjà malheureusement la fin. On commence tout de suite avec les news. Qu'avez-vous manqué dans le monde cinématographique ce mois-ci ? L'équipe Movies Nerd est là pour vous tenir informé des dernières news et rumeurs dans la rubrique News Cinéma du mois. Et on est à la première rubrique de ce podcast qui concerne les flash news du mois de septembre. J'ai décidé de faire juste les flash news parce que c'est beaucoup plus rapide. Et en plus, si vous voulez de l'info, vous savez où la chercher. Si vous voulez plus d'informations sur les infos que je vais vous donner, vous savez bien sûr où la chercher. Donc j'ai pas besoin de faire de grands discours sur des news. C'est juste des news. Voilà, donc on commence avec la première. I'll be back. Alors que Terminator 5 Genesis sortira dans nos salles le 1er juillet 2015, nous venons d'avoir la confirmation de deux suites programmées pour 2017 et 2018, avec le retour du seul et unique Arnold Schwarzenegger dans le rôle du célèbre robot. Excuse me, I'm Eric Lynch. Tell Xavier. Go fuck yourself. Les choses sérieuses vont bientôt commencer pour Apocalypse, sixième volet de la saga X-Men, et l'information vient directement du Journal de Montréal, lieu de tournage principal du précédent volet, Days of the Future Past, et du prochain selon la source. Les prises de vue pourraient débuter au mois d'avril 2015 au Québec, annoncé avec un budget de 240 millions de dollars, soit le plus cher des films de la franchise à ce jour. Le long métrage sera une nouvelle fois mis en scène par Bryan Singer et sortira le 18 mai 2016 en France. Park Chan-wook, qui a entre autres réalisé Old Boy et Stalker, va bientôt réaliser un nouveau thriller en langue coréenne. Selon Variety, le cinéaste adaptera un roman de l'auteur britannique Sarah Waters, du bout des doigts, Fingersmith en VO. Le casting serait actuellement en cours et le tournage devrait commencer au premier semestre 2015. Le projet se présente comme un thriller sexy et sulfureux, mettant en scène une riche héritière, une servante et un mentor. L'intrigue entremêlera histoire d'amour, de complot et de trahison. Alors que le roman se situe à l'époque victorienne, l'adaptation de Park Chan-wook devrait prendre place en Corée au XXe siècle. C'est officiel, le projet Deadpool est de nouveau sur les rails. 20th Century Fox vient de lui accorder la date de sortie du 12 février 2016. Une vidéo test footage pour un projet de film mené par Rhett Reese et Paul Wernick avait fui en ligne en juillet dernier et la réaction des fans avait été positive. Pour l'instant, pas de confirmation sur le réalisateur ou sur l'acteur qui incarnera Deadpool. Depuis Lincoln, tourné en 2012, Steven Spielberg cherchait quel serait son projet suivant sans que quelque chose de concret ne sorte. C'est maintenant chose faite puisque le cinéaste a été vu en compagnie de Tom Hanks sur le plateau de son thriller situé au cours de la guerre froide, coécrit par les frères Cohen. Le long métrage pourrait bien s'appeler St. James Place, si l'on en croit le clap posé à côté du réalisateur sur l'une des photos prises à New York, où le tournage se déroule actuellement. Centré sur un avocat recruté par la CIA afin de secourir un pilote prisonnier en Union soviétique, le film sortira le 4 novembre 2015 dans nos salles. D-J-A-N-G-O. The D is silent. C'est officiel, alors que l'échéance de début 2015 avait été évoquée, Quentin Tarantino débutera finalement le tournage de son 8e long métrage, le western The Hateful Eight, au mois de décembre prochain dans l'état du Colorado. Une information apportée par le Denver Post qui précise que les premiers tours de manivelle auraient précisément lieu le 8 décembre. Et c'est tout pour les Flash News, vous voyez que c'était assez rapide. Et on passe tout de suite au Video Club Movie Nerd sur le film Sin City. Should I loan you my car? I want to rent a movie. You want to rent a movie? I want to rent a movie. What's that for? You work in a video store. I work in a shitty video store. I want to go to a good video store so I can get a good movie. Bonjour et bienvenue au Video Club Movie Nerd. Et nous sommes donc à la rubrique du Video Club Movie Nerd, et ce mois-ci on va vous parler du film Sin City, réalisé par Frank Miller, dont c'est la première réalisation, et qui a dessiné et scénarisé le roman graphique, et Robert Rodriguez, qui avait entre autres réalisé Desperado, Une Nuit en Enfer, etc., avec une petite participation de Quentin Tarantino. Le scénario est de Frank Miller, il est sorti en France le 1er juin 2005, les acteurs principaux sont Bruce Willis, Mickey Rourke, Clive Owen, Jessica Alba et Benicio Del Toro. Donc maintenant je vais vous laisser la parole, Eddie ou Quentin, pour donner votre avis sur le film. Il me semble que Quentin est plus familier avec l'univers de Sin City que moi. J'ai lu les comics. Ok, voilà. Ouais, j'en parlerai après. Quentin, vas-y, je t'en prie. Donc je précise que j'ai vu que le premier. Sin City, je l'avais vu il y a un moment déjà. Bon, c'est un film qui avait beaucoup plu déjà par rapport à la manière dont respecter l'œuvre d'origine. Donc c'est pas sur toutes les adaptations de comics qu'on voit ça en fait. Mm-hmm. C'est vraiment dans la réalisation déjà, c'est vraiment quelque chose qui m'avait plu. C'était tout nouveau à l'époque, et c'est vrai que c'était une petite claque, voilà, Sin City. Et donc les acteurs m'avaient beaucoup plu également, donc Jessica Alba surtout, c'était vraiment la manière dont il iconisait dans tout le long métrage, j'avais trouvé ça super bien. Bruce Willis c'était très bien aussi, j'ai vu un moment quand même, donc mais c'est vraiment un film qui m'avait marqué, donc pour ces scènes aussi bien violentes. Ouais. Enfin, y a des passages, déjà par le personnage d'Elijah Wood, que je trouve génial, je l'avais jamais vu dans ce registre-là jusqu'ici. Mm. Et donc... Jusqu'à Maniac. Voilà, jusqu'à Maniac, oui, c'est arrivé après. Mm. Moi, Sin City, c'est vraiment un film que je recommande pour les choses qu'il apporte à l'univers, au blockbuster, dans le paysage des blockbusters. Mm. Ouais. Donc, je peux laisser la parole à Eddie. D'accord. Donc, moi, sur Sin City, je voulais pas voir Sin City, ça m'intéressait pas du tout. Voilà, au moins c'est dit. C'est pas. Moi, le problème que j'ai avec ces films-là, c'est que tout ce qui. Parce que Sin City, c'est ça, ça se passe dans une ville où règne le crime, la prostitution, les flics, les flics ripoux, tout ça. Et en fait, on suit trois personnages principaux, chacun avec une narration, avec sa propre narration dans l'histoire et tout ça. Et c'est ce qui fait le point fort du film, je trouve, la narration qui est très immersive. Au-delà simplement du concept visuel aussi, qui est original certes, mais qui est original en 2005. Vas-y. Je trouve que même encore aujourd'hui, ça reste. Enfin voilà, je. Ouais. En termes de visuel, bon, il y a The Spirit qui avait essayé de faire à peu près dans le même genre, mais franchement, je trouve que ça reste quand même assez unique, quoi, comme expérience. Bien sûr, ah, ça c'est sûr. Oui, c'est un truc qui reste en tête parce que bon, c'est pas courant. Dans les films en noir et blanc, on en a déjà vu, mais les films en noir et blanc comme ça et stylisés de cette manière, non. Après, je trouve que peut-être aujourd'hui, enfin ça on verra quand on parlera du second, mais. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, ça surprendrait aussi, mais peut-être que il y aurait quand même l'impact serait peut-être différent. Je pense que les gens sont tellement habitués à avoir des univers comme ça, très comment dire, j'arrive pas à trouver l'adjectif, pas personnalisé, mais stylisé à fond comme ça. Je sais pas si ça aurait, là, c'est ça a un impact parce que c'est sorti en 2005 aussi. Ouais. Les films entièrement en fond vert, on en voyait, mais moins. Et puis bon, la mise en scène, je pense que c'est ce qui joue aussi au-delà du visuel, c'est la mise en scène du film qui impose aussi beaucoup. Parce qu'on a vraiment l'impression de voir une BD. Enfin, moi, quand j'ai vu le film, je pense aux plans en voiture ou les plans où t'as quelqu'un caché derrière un mur qui est en train d'en observer un autre. Ça me rappelle beaucoup de plans qu'on aurait pu voir dans une BD. En sachant que j'ai pas lu le roman graphique, moi, dans Sin City. Voilà. Moi, ce genre d'histoire-là, c'est pas que je trouve ça pas bien, c'est que ça m'intéresse pas. Et en général, ça ne me touche pas. Après, le film, je le trouve excellent, par contre. Ouais. Je trouve le film excellent, mais de là à dire que ça m'a plu, non, enfin, je mentirais en fait si je disais que ça m'avait plu. C'est que moi, voilà, ça ne me passionne pas. Objectivement, c'est passionnant, enfin, objectivement, c'est bien, mais... Ah bah objectivement, moi j'ai trouvé ça très bien, même le discours politique et tout sur ces espèces de anti-héros comme ça fascinants qui se lancent dans des quêtes alors qu'ils sont dans une vie complètement désespérée, et eux aussi ils le sont, mais ils sont motivés par autre chose, quoi. Et ça, je trouve ça beau. Mm-hmm. Je trouve ça beau, mais en même temps, voilà, moi je trouve ça beau, mais ça ne me touche pas. Donc oui, Sin City, moi je trouve ça très bien. J'ai trouvé ça très bien dans la forme, dans le fond, dans le visuel et tout ce qu'on veut. Mais moi, ça me laisse un petit peu... Enfin, je passe un peu à côté. Voilà. D'accord, ok. Donc moi, je vais revenir aussi un peu dessus. Faut savoir que c'était un des premiers films qui était tourné avec une caméra complètement numérique, plus sur film. Donc ce qui a permis aussi facilement de faire ces effets stylisés. Qu'on retrouve d'ailleurs dans 300, dans tous les films à la Zack Snyder. Hein. Oui, malheureusement. Mais c'est... on va dire que Robert Rodriguez sait mieux manier la caméra que Zack Snyder, pour moi. C'est autre chose. Ouais. il donne vraiment. Enfin, les plans du film sont vraiment super iconiques, ben, comme dans la BD. C'est vraiment. On a l'impression de voir des super-héros alors que c'est qu'ils font des actes atroces. C'est super stylisé. Pour moi, ce ne sont pas des super-héros. Enfin, déjà, non, mais ce que je disais, c'est ils sont iconisés comme des super-héros. Oui, voilà. À la manière de filmer. Mais du coup, ce sont des anti-héros. Voilà, c'est ça. C'est vraiment des mecs. Le super-héros, quand on dit super-héros, c'est le mec déjà qui a un pouvoir spécial. Ouais, voilà. Ou qui a subi quelque chose qui lui donne un pouvoir spécial. Ouais. Et qui a pour but de sauver les autres. Ouais. Puisque là, il y a bien un peu de ça, mais c'est noir, en fait. Mmh, ouais, c'est vraiment de l'iconisation sur des anti-héros. Mmh. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je... j'adore le film. Déjà, moi, je le dis comme ça. Parce qu'il m'a fait penser... Enfin, c'est un genre de dommage au film noir des années 40-50 sur la narration. Comme tu l'as dit, la narration est principalement interne. Donc on entend le personnage, enfin on entend les pensées du personnage comme dans la BD, et ça je trouvais ça assez bien fait. J'ai vraiment adoré cet aspect-là du film. Voilà. C'est surtout parce que si tu, d'avoir la sensation que t'es dans leur tête avec eux, c'est que même si s'ils racontent, tu le vois à l'écran. Ouais. Et t'as vraiment tu marches avec eux, en fait. Surtout que dans beaucoup de films avec des voix off, ça fait vraiment tâche, et là c'est pas le cas. Je pensais que j'allais pas le dire aussi. Ouais, parce que c'est pas de la voix off d'exposition, c'est vraiment c'est pour ça que ça fonctionne bien. Puis après ça fonctionne aussi parce que je pense que les personnages sont charismatiques. Ouais. Je veux dire, quand tu, je sais pas, on va prendre l'exemple le plus con du monde, mais Bella qui commente ces trucs dans Twilight, ça n'a aucun intérêt. Là, quand tu vois Marv qui te dit qu'il va défoncer la gueule d'un mec, c'est autre chose. Ça n'a pas le même impact. Non, c'est sûr. C'est sûr. Donc, la voix off, c'est bien, mais ça dépend, tout dépend du contexte. Hein. Tu peux avoir de très bonnes voix off dans les films mauvais et vice-versa. Ouais. Donc aussi un film à déconseiller aux plus jeunes, hein, on le rappelle, parce que c'est assez graphique, surtout sur le personnage d'Elijah Wood, qui est, enfin, j'ai failli rendre mon petit déj, comme on dit. franchement, ouais, Elijah Wood, juste pour revenir rapidement sur son personnage, j'ai adoré ce personnage. Mais j'adorais son personnage dans Maniac, même si on aime à le détester. Là, c'est vraiment le même style, voire plus iconisé, mais Vraiment un super acteur, et même tous les acteurs sont super bons. Bruce Willis, Mickey Rourke. Transformation physique. Assez impressionnante, ouais. Même si, comme ils l'ont dit dans le cercle sur Canal+, ils ont dit bon, maintenant ils commencent à avoir, ils ont plus trop besoin de le maquiller pour ce rôle-là. c'est impressionnant, quoi. Mais au début, moi, j'avais même pas, sans avoir vraiment regardé le casting, j'avais pas capté que c'était Mickey Rourke. Ouais. Ben, je voyais mon nom, c'est au départ, je pensais que c'était Dolph Lundgren. Donc, voilà. C'est sûr. Donc, voilà. Quelque chose à rajouter, parce que moi je pense que j'ai tout dit, hein. J'ai vraiment apprécié le film dans sa généralité, même si c'est pas c'est sûr que ça a marqué une époque, mais pour moi c'est pas un grand chef d'œuvre, c'est sûr. Après, c'est, si, c'est, un film, c'est un film à voir, à mon avis. Ouais, je pense quand même, si c'est ce genre d'histoire qui nous tente à la base, faut tenter le truc, parce que ça peut intéresser, même pour le côté après, technique en fait. Même côté technique, ouais. Si tu t'intéresses à tout ça, voilà, ouais. C'est ça. C'est, si tu es intéressé par le côté technique du cinéma, il faut voir ce film au moins une fois, je pense. Voilà. Moi, je conseillerais plus ça que le 300. Oui, pareil, côté technique, essaie des trucs, mais je trouve celui-là a quand même beaucoup plus d'intérêt. Moi, ce que je voulais dire, c'est la dimension très jouissive du truc, c'est au niveau des personnages qui ont des actes et des émotions complètement exacerbées, en fait. Le film, c'est un sorte de défouloir aussi. Même sans vraiment avoir apprécié le truc, moi j'ai aimé cette dimension-là. Ouais. Le côté voilà, c'est sans compromis, il y a un truc qui me fait chier, je le défonce. C'est voilà, ça m'a plu. Ouais. La musique aussi, tu parlais de la musique tout à l'heure, Axel. Elle est assez, elle est anecdotique, je pense. Le thème principal, quand même, avec le générique au début. Ouais. Je l'ai vu cet après-midi et je ne l'ai pas retenu, donc. J'ai bien aimé. Il y a les paroles de Robert Rodriguez, oui, aussi. Donc voilà. Okay. Quentin, quelque chose à rajouter ? Non, j'ai rapidement fait le tour, parce que c'est vraiment un film que j'ai vu il y a longtemps, mais qui m'avait quand même bien marqué pour son côté esthétique, pour, pour ses acteurs, ses personnages de charisme. D'accord, pas de problème. Bon, on a fini. On vous conseille, dans la généralité, de voir au moins une fois le film, si ce genre d'histoire vous plaît ou si l'aspect technique du cinéma vous plaît. Voilà. Et donc, on va passer tout de suite à la rubrique Nos coups de cœur, nos coups de gueule et découvertes. Les coups de cœur. Coup de gueule et découvertes cinéma de l'équipe Movies Nerd se trouvent dans cette rubrique. C'est parti. Et nous sommes à la rubrique Nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. On va commencer avec les deux films qu'Eddie a choisi. Je te laisse la parole. Donc, moi ce mois-ci, j'ai pas été beaucoup au cinéma, je suis désolé. Bon. Donc du coup, je vais revenir sur Godzilla, puisqu'il sort en Blu-ray, il est sorti en Blu-ray au mois de septembre. Godzilla, donc version 2014 par Gareth Edwards, donc film de monstre, hein. Ouais. Gros film de monstre, gros blockbuster. Comment ? On s'y attend un peu. Mais c'est ça, il y a pas trop de surprises avec Godzilla. donc gros divertissement. Ouais. Alors ce qui est intéressant dans ce Godzilla, c'est que non seulement c'est un retour aux sources du monstre mythique japonais, je crois que c'est Godzilla. Oui, japonais. Japonais. Donc on retrouve le design des premiers Godzilla qu'on a pu voir dans les films japonais il y a une soixantaine d'années. Sachant que moi j'ai vu que la version de Emmerich, j'ai pas vu les autres. Après le film, le film, il y a à boire et à manger, c'est pas un film parfait. Moi personnellement, j'ai été surpris sur quelque chose qui n'a surpris personne, c'est que dans le film Godzilla n'est pas présenté comme un prédateur. Et en fait ça c'est dû au fait que j'ai pas vu la version japonaise, donc du coup je connais que la version de Roland Emmerich, ouais, qui est réputé pour sa qualité. Oui voilà, tout à fait. Et du coup, dans la version de Roland Emmerich, il est présenté comme un prédateur, mais comme un animal qui les fait un peu chier, quoi, parce que il détruit tout. Ouais. Ici, c'est dans cette version 2014, c'est un protecteur. Voilà, donc il y a un souci et Godzilla arrive. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas trop dévoiler, parce que sinon, c'est pas On peut pas trop dire pourquoi il arrive, mais bon, il y a un problème, ils ont besoin de Godzilla et Godzilla est là. Ce qui est intéressant dans le film, alors déjà visuellement, le visuel est très travaillé, surtout au niveau de la photographie. Je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à voir. Et après aussi au niveau de la mise en scène. Parce que Godzilla, même si c'est vrai qu'on peut un peu... on peut dire un peu que le film est chiant là-dessus, dans le sens où le Godzilla, il met très longtemps à arriver dans le film, on le voit pas tout de suite. Ils font jouer le suspense en fait avant de le dévoiler, et il y a peut-être un petit peu trop de suspense, ce qui fait que quand il le montre, ben, on l'attendait plus en fait. D'accord. Il était vraiment temps qu'il arrive. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être un bémol quand même à dire sur le film. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que ce Godzilla n'est jamais vraiment montré, en plein caméra. Il est pas. Il est pas en entier. Et soit on le voit à travers une télévision, c'est des gens qui voient ça en image chez eux, par exemple. Ou soit on le voit à travers une fenêtre, voilà, parce que le film, en fait, la mise en scène du film, elle n'est pas à hauteur de monstre, alors qu'on est dans un film de monstre, mais elle est à hauteur humaine. D'accord. Et ça, c'est une qualité dans le sens où ça rend le film immersif. Parce que du coup, quand il y a des immeubles qui se cassent la gueule, ou que Godzilla envoie des coups de tatane, des trucs comme ça, c'est encore plus impressionnant. Quand il crie aussi, parce que le cri est très important en film, il y a un cri bien particulier. Ça c'est vraiment très très bien. Que dire? Godzilla, après, c'est aussi un film qui fait pas mal de métaphores sur justement les dangers du nucléaire. Comme les premiers. Ouais, aussi. De toute façon, le but de ce film-là, c'est aussi, je pense, de remettre Godzilla au goût du jour. Les dangers du nucléaire dans le sens où le nucléaire crée des trucs qu'il ne peut pas contrôler, c'est justement pour ça que Godzilla intervient. Et ensuite par rapport à ça, il y a aussi le fait que c'est le monstre face aux hommes. Les hommes dans Godzilla sont là parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est leur planète. Mais en gros, ils peuvent pas faire grand chose par rapport à face à ce gros monstre qui arrive comme ça, et ils sont un peu pris au dépourvu. Le film traite beaucoup de ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir... Le film est vraiment intéressant techniquement, peut-être un peu moins au niveau de son discours, après. Dans la forme, c'est très bien. Dans le fond, ce qui manque peut-être un peu, c'est que voilà, c'est un film hyper dramatique, il n'y a pas de place pour l'humour. C'est vraiment pas le... C'est un film qui est censé être divertissant, mais il est peut-être tellement dramatique qu'au bout d'un moment, t'as pas cette dimension divertissante, même si t'apprécies ce que tu vois en fait. Donc voilà. Sinon, c'est vrai que oui, tout ce qui est métaphore et tout sur le nucléaire, ça faut pas trop critiquer. Je veux dire qu'un réalisateur qui a l'ambition de quand même de dénoncer ces trucs-là, faut vraiment être c'est difficile pour critiquer ça, parce que bon, c'est tout à fait louable. Sinon voilà, c'est certainement pas le blockbuster de l'année. Moi je l'ai pas vu en Blu-ray, je profite de sa sortie en Blu-ray pour en parler, mais je l'ai pas acheté en Blu-ray, je pense que j'achèterai quand il sera moins cher. Voilà, c'est pas le film de l'année qui m'a marqué, j'ai vraiment apprécié, c'est assez généreux comme Pacific Rim, mais sans l'humour, justement sans le côté divertissant. Mais on est un peu dans cette optique là, on est vraiment dans le gros truc de films de monstres qui se bastonnent et tout. Il y a des trucs intéressants. Il y a Elisabeth Olsen qui joue le rôle de la femme un peu désemparée du militaire qui est justement envoyé au front par rapport à l'arrivée de Godzilla. Donc le militaire, c'est celui qui joue dans un acteur que je connais pas parce que j'ai pas vu les Aaron Johnson. Voilà, il joue dans Kick-Ass. Moi j'ai pas vu les Kick-Ass, donc c'est vrai que l'acteur il me parlait pas plus que ça, mais qui est très bien d'ailleurs. Ken Watanabe qui joue le rôle du scientifique. Il y a Juliette Binoche au début. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Brian Cranston qui joue aussi, qui est très bien comme à son habitude. Qui était évidemment très loin de son rôle de papa dans Malcolm ou de Breaking Bad, Walter. Voilà, ça n'a rien à voir, mais il est bien. Mais c'est un acteur franchement qui ça serait bien qu'il soit plus sur le devant de la scène, parce qu'il a vraiment il peut jouer plein de trucs. Il commence mais pas assez développé dans ce film, le personnage de... Dans Godzilla de... Ouais, dans Godzilla, D'ailleurs, on s'attend à ce qu'il soit plus développé, et en fait, non. Ouais. Pour moi, c'était le gros souci du film, c'était l'écriture des personnages que j'ai trouvé, voilà. Enfin, c'était à échelle humaine, mais ils n'étaient pas si développés que ça, et du coup, l'attachement s'est fait quand même difficilement. Enfin, Et voilà, ça c'est vrai, et ça je suis d'accord avec ça. Ouais. Ok. J'ai juste deux remarques, j'ai pas vu le film, donc je me permets de poser une question. Est-ce que ça se passe au Japon ou ça se passe aux États-Unis? San Francisco. Ok, d'accord. Et c'est une... D'ailleurs, c'est encore un film où ils font péter le Golden Gate. Ah. C'est devenu une... J'ai l'impression que c'est devenu une tradition dans le cinéma américain. Ça m'étonne même pas. Hein. Et c'est une honte que Godzilla soit plus un mec en costume. Voilà, c'était ma petite remarque, c'est tout. Ah oui. Bah depuis, enfin tous les films japonais, c'était un mec en costume. Et là, bon, bah, pour les deux derniers films américains, il fallait que. Que ce soit un monstre en 3D, sinon bah, ça faisait pas rien. Ouais, mais franchement... Il est bien fait au moins Ouais. Et moi j'ai bien aimé ce côté rétro dans un truc complètement moderne. Ça, ouais. Ça m'a plu. D'accord. On dirait un gros bébé en fait. J'ai bien aimé son... Et... J'ai trouvé vachement attachant Godzilla par contre. Enfin, oui. Dans ses réactions, dans ses mimiques. Ils lui ont fait un regard hyper expressif en fait. Ça fait penser un peu à King Kong de Peter Jackson. Ouais. Oui, la scène d'ailleurs où il regarde le militaire avec son côté un peu spielbergien, j'ai trouvé ça super, super bien amené. Mais je pense que c'est une volonté de le faire attachant aussi. Mais c'est vrai que parfois, tu as quand même l'impression de te dire, bon, mais voilà, c'est un peu un gros Casimir. Quoi. c'est un peu contradictoire. En même temps, oui, t'es content parce que bon, évidemment, c'est un monstre qu'on aime bien, Godzilla. Ouais. Même dans le film de Roland Emmerich, moi, bon, c'est un film de merde que j'apprécie, mais voilà, je le dis, c'est un film de merde que j'apprécie. Ouais. Mais c'est vrai que même le monstre, moi, j'étais plus du côté du monstre dans le film de Roland Emmerich que du côté des êtres humains. Ouais. Par exemple. Ouais, je pense que c'est aussi le... Aussi. Comment ? Ils étaient complètement bêtes dans celui de Roland. C'est les Américains patriotiques à fond. Voilà, bref. Donc voilà ce qui en retourne un peu pour moi au niveau de Godzilla. Quoi. Sympathique, pas forcément oubliable, mais bon, qui casse pas non plus des briques. Quoi. D'accord, ok. Quelque chose à rajouter, Quentin, sur le film, puisque tu l'as vu aussi Non. D'accord, ok. Ouais. Bon, Eddie, tu peux passer à ton deuxième film. Ouais, donc là, encore une fois, c'est pas un film que j'ai vu au cinéma. C'est parce que la director's cut du film sort au mois d'octobre. C'est Nymphomaniac de Lars von Trier, qui est sorti en tout début d'année 2014, au mois de janvier, qui est un film avec Charlotte Gainsbourg et plein d'autres acteurs, dans lequel Lars von Trier, pour ceux qui connaissent pas Lars von Trier, c'est un réalisateur danois, qui a fait parler un petit peu de lui à Cannes, c'était quand, en 2011, parce qu'il y a eu des propos un peu particuliers, on va dire. C'est quelqu'un qui fait des films très particuliers aussi. Il a fait Dancer in the Dark, qui était que moi j'ai pas du tout aimé, qui était une apologie de la souffrance et de la tristesse avec Björk dans le rôle principal. C'était vraiment détestable. Moi j'ai détesté, j'ai pas du tout aimé ce film. Il a fait Melancholia, qui était un film apocalyptique avec Charlotte Gainsbourg et Kirsten Dunst sur une planète qui vient heurter la Terre. Mais fait vraiment de façon complètement différente de ce que peut nous servir le cinéma habituellement. Et Nymphomaniac donc met en scène une nymphomane qui va raconter sa vie à un parfait inconnu. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que évidemment il y a des scènes scabreuses. Ouais, on s'y attend. Voilà, parce que c'est un film qui montre clairement des scènes de sexe explicites. Mais qui va pas seulement, c'est pas seulement dans la provoque. Ouais. C'est un film qui utilise le médium du sexe pour parler de l'obsession et de ce que ça engendre en fait dans la vie de tous les jours aussi, à travers ce personnage qui est complètement enfermé sur elle-même par rapport à son obsession. Et c'est très intéressant là-dessus parce que ça permet vraiment de mettre en parallèle, parce que là évidemment on parle de la nymphomanie, mais ça pourrait être un parallèle qu'on pourrait faire sur plein d'autres choses. Ouais. Là, il a choisi ce médium ici, mais ça pourrait être fait sur plein d'autres choses. Et le film est très intéressant là-dedans, aussi dans sa construction, parce qu'il est divisé en plusieurs chapitres, qui dépeignent la vie de Joe. Qui est une femme ordinaire, donc on la suit de son adolescence jusqu'à son âge adulte. Et curieusement, et le film est coupé en deux parties. Il était fait en deux chapitres, un qui est sorti au début de janvier et l'autre en fin janvier. Et curieusement, le deuxième était censé être plus sombre, et moi je le trouve donc plus lourd, oui, dans ce qu'il propose, mais je le trouve plus léger aussi. Ouais. Ouais, bizarrement, parce que déjà il est plus drôle, il y a plus d'humour noir, et je trouve. Ouais, il y a plus d'humour noir, même s'il y a toujours un côté très dramatique. Ouais, tu vois, comme quoi. Ouais, je trouve la partie, justement, je trouve la première partie ultra légère et ultra drôle dans ses comparaisons, enfin, voilà, l'histoire des prépuces, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Enfin, franchement, j'ai trouvé justement la deuxième partie, justement, un peu trop sombre, là, il y avait pas ce côté léger qu'avait la première partie et qui était tout à fait inattendu et tout à fait bienvenu d'ailleurs. Ouais. Et donc, c'est ce que je reproche à la deuxième partie qui m'a moins plu, mais que j'ai aimé quand même. Ouais, alors que moi, je pense que j'ai. De toute façon, moi, je peux pas dire que j'ai aimé une partie ou l'autre, parce que pour moi, l'Infomaniac, c'est pas un film en deux parties, c'est un film. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. C'est ça, c'est un genre de truc qui m'a un peu énervé sur les sites internet où les gens qui mettent 9 sur 10 à la première et qui mettent 1 sur 10 à la deuxième. Oui, non, moi, j'ai aimé la même. Bah oui, voilà, pour moi, c'est la même chose, quoi. Le film a été pensé comme ça. Donc voilà, et donc il sort la Director's Cut qui fait 5h25, si j'ai bien vu. Ouais, c'est ça. Et qui donc là, du coup, sera non censuré. Donc, moi, personnellement, je l'attends pas. C'est pas. Moi, la version cinéma me suffit, j'ai pas envie de voir un film porno, parce que là, c'est clairement dans cette optique-là qu'il souhaite aller. Ça m'intéresse pas. Voilà, je pense que la version cinéma se suffit très bien, en tout cas pour moi. Et ça apporte beaucoup, c'est poétique, faut pas s'attendre à évidemment qu'il y a un côté provoque, mais c'est pas que ça. C'est aussi un film qui dépeint pas forcément une société, mais qui dépeint les mœurs des gens, qui dépeint l'obsession. Par exemple, dans la mise en scène, ce qui est très intéressant, c'est que Jo, quand elle est adolescente, elle est censée être plus libérée. Quand elle est adulte, elle a pas les obligations du mariage ou des enfants. Et en fait, quand elle est adolescente, par exemple, on la voit dans son premier appartement, et c'est quelque chose de très clos, d'étouffant. Et ça fait directement référence à son obsession qui l'étouffe, parce que du coup, elle peut pas entretenir une relation amoureuse, par exemple. Donc ouais, il y a des éléments de mise en scène comme ça qui sont très intéressants, qui viennent vraiment prouver que Lars von Trier, c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui sait allier sa mise en scène à son histoire. Qui sait diriger ses acteurs, qui sait choisir la bonne musique. Voilà. C'est une grande symphonie sur le sexe, mais aussi sur la vie, je trouve, ce film-là. Voilà. C'est bien moins pessimiste qu'on pourrait le penser. Et voilà, c'est vraiment un film à interprétation, par contre. Je pense qu'il faut être prêt à voir ce genre de film-là. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Moi, ça m'a plu. Je ressens pas forcément le besoin de le voir, mais ça m'a plu. Voilà. Donc je le conseille à ceux qui ont vu du Lars von Trier. Ceux qui sont curieux, et évidemment, si le sexe ne vous gêne pas tant que ça au cinéma, voilà, si vous n'êtes pas du genre à vous marrer à chaque fois que vous voyez un pénis à l'écran, et vous pouvez tenter le film. Moi, ce qui m'a pas donné envie, en fait, c'était toute la pub autour. C'était vraiment très racoleur, je trouve. On parlait que de ça, et on parlait pas vraiment du film en lui-même. On entendait parler des scènes de sexe, etc. On parlait pas vraiment du film, et c'est jusqu'à un dégoût en fait de ma part. Comme tu en parles, ça me donne envie de le voir, mais au bout d'un moment j'en avais tellement entendu que j'avais vraiment plus envie de le voir, donc d'accord. C'est alors que je pense qu'il faut pas se focaliser là-dessus, parce que le film, oui, il y a un côté racoleur, c'est vraiment pas que ça. Franchement, dans le fond, c'est, il y a vraiment quelque chose à en retirer. C'est une expérience très particulière. De toute façon 2014 a été riche en expériences bizarres. Ça, c'est la promotion le vendait vraiment mal, je trouve. C'est vraiment la promotion le vendait vraiment mal, le film. C'est vraiment De toute façon, c'est pas un film qui a eu beaucoup de chance, hein. On a imposé à Lars von Trier de couper, il y a eu plein de problèmes autour de ça, donc je pense que c'est, je sais même pas s'il a très bien marché en plus. Je sais pas, j'ai pas de chiffres là, mais voilà, moi je pense que c'est, en toute honnêteté, c'est vraiment pas mauvais. Il y a vraiment quelque chose à retirer, et je conseille à ceux que ça intéresse et qui n'ont pas osé franchir le pas de peut-être le faire, en fait. Pas forcément en director's cut, mais en version cinéma. Je pense que je vais le faire. ça me paraît assez intéressant. C'est juste en fait la pub qui était vraiment très. Enfin voilà, c'est juste que, jusqu'au coup, j'en pouvais plus quoi. C'est... Ouais. Voilà. C'est tout, Quentin. Tu as quelque chose à rajouter sur Nymphomaniac? Oh, bah, voilà, juste que je trouvais voilà, les deux parties, enfin, le film, très très très bien. Voilà, c'est une analyse de la nature humaine assez bien, d'ailleurs, dans la dernière partie, avec le personnage de Seligman, d'ailleurs, qui m'a vraiment plu. Enfin, le rapport entre Joe et Seligman, Seligman, ouais. C'est l'homme à qui elle va se confier. C'est intéressant parce que du coup on est avec eux en fait dans la confidence. Seligman nous représente nous en tant que spectateurs. Ouais, c'est exactement ça. J'ai beaucoup aimé le film également. Voilà. Ok, d'accord. Je vais parler vite, rapidement de mes impressions sur Enemy que j'ai vu ce mois-ci. On en a déjà parlé pas mal le mois dernier. Donc moi ce sera vraiment très rapide, après on passera au film de Quentin qui a beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Donc je suis allé voir Enemy un peu en retard. Il passait dans ma salle de cinéma où j'étudie à Montbéliard. Et j'étais tout seul dans la salle. Et déjà c'est une expérience assez intéressante, surtout pour ce genre de film. Parce qu'on est vraiment prisonnier du film. Et c'est une expérience très anxiogène. Et en plus, quand je suis sorti de la salle, j'étais entouré d'immeubles. J'avais l'impression d'être dans la ville. Il y avait un peu de brouillard. C'était vraiment très, très bizarre. Mais voilà. Donc le film par Denis Villeneuve, on en a déjà parlé. J'ai trouvé qu'il était... c'est un chef-d'œuvre technique pour moi. Denis Villeneuve maîtrise sa caméra, il n'y a pas de problème là-dessus, maîtrise sa lumière, voilà. Les acteurs sont très bons, l'histoire, j'ai un peu plus de réserve, j'étais assez bon, déçu par la fin. En fait c'est peut-être la manière dont on me l'avait vendu, je sais pas, mais ouais, assez déçu par la fin, qui n'était pas, enfin ouais. Je m'y attendais un peu aussi, comme Eddie l'avait dit, je m'y attendais un peu. Donc quand je suis sorti de la salle, je suis tout de suite allé voir sur internet, parce que j'avais une interprétation particulière, mais j'ai vu sur internet qu'il y avait pas mal de monde, qu'il y avait beaucoup d'interprétations du film. Donc pour ceux qui aiment faire des interprétations de films, c'est un film à voir à mon avis. Je vais pas vous dévoiler la mienne, puisque ça vous spoilerait le film. Et, par contre, ceux qui ont vu le film et qui se posent peut-être encore des questions... je te coupe, hein, désolé, je m'incruste. Ceux qui ont vu le film et qui se posent peut-être encore des questions, le fossoyeur de film, ouais, qui a fait, qui a tout récemment publié son interprétation. Ouais. Et voilà, personnellement, moi, j'étais un peu de, on est un peu du même avis. Ouais, tu t'y retrouvais. Voilà, je m'y retrouvais bien et je pense en toute honnêteté que c'est clairement l'interprétation qui peut se faire du film. Je pense que c'est la plus logique, en tout cas. Parce que voilà, c'est pas la peine de se triturer les méninges. Je pense que ça peut aider en fait, à comprendre le truc. Ouais, voilà. Donc voilà, c'était vraiment très rapide. J'ai apprécié le film dans sa généralité, même si l'histoire sur la fin m'a un peu déçu. Voilà, mais franchement, on va pas dire passer un bon moment, parce que c'est pas... bon, si c'est pas vraiment, c'est pas le film pour, voilà, c'est pas pour passer un bon moment, c'est vraiment très anxiogène, la manière de filmer aussi, on a l'impression d'être prisonnier dans le film, mais franchement je vous le conseille si vous aimez. C'est vrai que le film aurait pu être prisonnier aussi. Ouais, c'est... surtout que la mise en scène, il a tourné Enemy avant Prisoners, j'ai appris juste avant. Et, ah, ça, je savais pas, par contre. Il a tourné Enemy avant Prisoners et Prisoners est sorti avant Enemy. Donc, voilà. Ce qui explique un peu donc, toutes les modifications physiques de Jake Gyllenhaal de la semaine. Dans Enemy, il a la barbe, maintenant il est devenu tout maigre pour son rôle dans Nightcrawler. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, donc tout s'explique. Ce n'est pas un mutant, il est tout à fait normal. Non, voilà, donc okay. C'était tourné avant. Voilà, donc personnellement, je vous le conseille au moins une fois. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Ouais, si Je pense qu'il faut aimer les trucs un les peu films labyrinthiques. enfin si vous aimez vous poser des questions, si tout n'est pas ne vous est pas servi sur un plateau repas, enfin voilà, si vous aimez vous poser des questions après le film et y penser, surtout j'adore ce genre de film où on pense au film après, Oui, voilà, ouais. pas on sort de la salle et on l'a oublié Ouais, directement. où on te dévoile pas Voilà. forcément la fin pour que tu Et cogites un petit peu. on puisse cogiter un peu et puis voilà, c'est on n'est pas tous désignards Hollywood. Donc du coup, on a toute la gamme. On a Quentin qui a adoré, on a Alex qui est un peu plus perplexe et moi qui suis déçu. Voilà, c'est ça. Bien. Ok, donc voilà, et maintenant on va passer à Quentin qui va nous donner son avis sur deux films qu'il a vus ce mois-ci. Donc, je tenais beaucoup à parler de Horns, le nouveau long métrage d'Alexandre Aja, sorti mercredi au cinéma. Donc, j'avais été le voir en avant-première, donc j'allais le voir à la base pour, en principe pour Daniel Radcliffe, qui est un acteur, voilà, c'est pas un acteur que j'adore, mais un acteur pour lequel je me suis beaucoup attaché suite à la saga Harry Potter, voilà, qui m'a suivi pendant toute mon enfance. Ouais. Et donc, voilà, j'allais vraiment, vraiment pour lui. C'était pas l'histoire qui m'intéressait plus Donc que t'as eu ça. un autographe ou une poignée Non, de main? j'ai rien eu. Non. Il est parti en plus long. Bon, voilà, Ok. j'ai juste. Il était présent à l'avant-première. Il était présent à l'avant-première, ouais, Ah, avec Alexandre Aja. Et donc, voilà. Donc, je suis pas un grand fan d'Alexandre Aja. J'ai vu que Piranha de lui. ouais. Comme Donc, beaucoup. j'en gardais un souvenir assez bien. C'est Bon, plutôt c'est correct. fun, C'est quoi. fun, ouais, c'est C'est ça. voilà, c'est fun, c'est assez oubliable. Si on aime bien les boyaux, c'est fun. Voilà. On aime bien le sang aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Horns, j'en attendais pas grand-chose. C'était vraiment, voilà, dans l'idée de voir ce que pouvait donner Daniel Radcliffe après Harry Potter et la Dame en Noir. Donc, j'avais aussi vu Kill Your Darling, un de ses récents longs-métrages, réalisé par. C'est plus... enfin, j'ai pas le nom du réalisateur là. C'est un film également avec Dandy Ann. Donc, sur des poèmes, je vais pas aller m'écarter trop sur le sujet. Mais voilà, donc voilà, c'était vraiment pour Daniel Radcliffe que j'allais voir le film. Et donc, je savais même pas vraiment de quoi ça parlait. Le film avait du mal à être présenté par la promotion, je voyais déjà bien, enfin, ça avait jamais vraiment le qualifié. Le genre changeait tout le temps, drame, fantastique, romance, épouvante, horreur. Et donc, quelque part, tous ces genres qualifient plutôt bien le film. Ouais. Parce que c'est un film qu'on ne peut pas ranger dans une case spéciale. C'est vraiment ce qui m'a plu avec celui-là, c'est que, enfin, ce que disait Daniel Radcliffe, c'est voilà pourquoi il a choisi ce rôle-là. C'est vraiment un film, enfin, dans le paysage des blockbusters actuels, ça se démarque complètement. Ouais. C'est en ça que je trouve que le film se vaut vraiment, parce que. T'as un côté, c'est la romance, un conte, enfin, un peu un conte de fées. Évidemment, ça part un peu dans la niaiserie, genre Twilight, mais pas non plus trop prononcé. Après, t'as de l'horreur, donc, et ça, le mélange rend assez bien. Ça aurait pu donner quelque chose de tout à fait dégoûtant. Enfin, ça aurait pu, voilà, je sais que ça en a divisé plus d'un. Ouais. Ces genres accumulés dans le long métrage. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Après, je voulais parler également des personnages que je trouve très, très charismatiques. Daniel Radcliffe, j'attendais pas trop dans ce registre. Franchement, j'ai vraiment été impressionné. Je trouve sa prestation très, très juste. Voilà, il y a des moments où il est complètement barré. Voilà, ça correspond très bien à son personnage. Il est parfois très drôle, parfois très touchant, même des fois terrifiant. C'est voilà, sur un personnage avec des cornes. Oui, mais voilà, donc. juste, je te coupe deux secondes. Est-ce que les cornes, parce que moi c'est la moi je bon, moi je verrai pas le film parce que il me tente pas, et il y a un gros serpent dedans, donc ça me pose un problème. J'ai un problème avec ça. Moi il y a une question que je me pose, c'est au niveau des cornes. Est-ce que les cornes, ça a un rapport, les cornes qui nous poussent à la tête? Il y a l'expression qu'on dit avoir des cornes quand on se fait tromper, en fait. Est-ce que c'est un rapport avec ça? Le sujet abordé, mais après ce serait révéler le twist final, donc D'accord. J'en parlerai pas, mais c'est un rapport, mais pas vraiment. Voilà, indirectement, c'est en fait. Ouais. Voilà, en quelque sorte. Enfin, après, j'en révélerai trop en te disant ça. Enfin, D'accord. Voilà, c'est le film. Le film peut, enfin, le film part dans une direction. Voilà, tu crois que c'est vraiment ça qu'on va voir. Voilà, un film qui, voilà, on pense qu'il a été trompé, mais bon. Enfin, voilà. Après, j'ai commencé à trop en dévoiler. Le film vient de sortir, donc je peux pas trop en parler. Donc après, bon, je vais revenir sur les. Désolé de pas avoir bien répondu à ta question. Non, enfin, tu m'as donné une idée. J'en ai juste une, désolé. Hein, désolé, on te coupe. Oui, oui. Est-ce que la transformation physique se fait comme dans Black Swan au fur et à mesure ou c'est. Oui. Ouais. Les cornes poussent au fur et à mesure. Voilà, ouais. C'est ça oui, ouais, plutôt, oui. Ouais, okay. Donc, voilà. Il y a un peu une dimension de descente aux enfers, quand même. Il y a une dimension de descente aux enfers, mais voilà, ouais, c'est ça. Okay. Okay. Ou plus par rapport au caractère du personnage, au fur et à mesure que ses cornes vont pousser. Mmh. Voilà, il y a tout. Voilà, donc le personnage. Donc, suite à des cornes poussent, et c'est là qu'il va développer certains pouvoirs, donc, par exemple, surtout. Faire révéler aux gens des choses qu'il ne veut pas, qu'il veut absolument pas entendre, comme le fait que sa mère n'est jamais vraiment appréciée, également comme son père. Voilà, c'est plusieurs. Voilà, c'est pas très. Des moments, c'est pas très joyeux, ouais. Pas très joyeux, ou des moments, c'est très drôle. Voilà, c'est ce qui m'a plu dans le film, c'est que des moments, c'est grotesque, émouvant. Voilà, donc je. Ouais. C'est marrant que tu t'en parles comme ça, mais c'est vrai que Daniel Radcliffe, t'as pas l'air très sympathique dans ce film. À la base, tu vois les premières images, le synopsis et tout, c'est vrai que c'est pas un personnage qui inspire la sympathie. Ouais. C'est surtout un personnage un peu pris au dépourvu, quoi. Enfin, c'est pas un personnage, enfin, c'est pas une personne que tout le monde remarquait, c'est pas quelqu'un de très populaire à la base. Il genre de victime, un peu, non? Un peu, en quelque sorte, il était remarqué que par la fille qu'il aimait, voilà. Et donc, déjà la base, c'est le personnage est apprécié que pour sa copine. C'est en gros, voilà, c'est ça. Et donc tout de suite, au moment où c'est bien dit dans le synopsis. Donc au moment où elle va être assassinée, donc c'est évidemment c'est pour lui que tout va se toutes les accusations vont se porter. Donc on suivra l'apparition des cornes et tout, enfin, voilà, la ville entière dans laquelle se situe se situe l'histoire va. À partir en sucette. Donc, oui, voilà, c'est ça. Et donc, après, donc, je vais parler du casting. Donc, on retrouve Max Minghella. Donc, on l'avait pu le voir dans The Social Network. Donc, il jouait le collègue des frères Winklevoss. Ouais. Et de Armie Hammer, là. Oui, voilà, de Armie Hammer. Et donc voilà, c'était leur. Il a joué dans Agora aussi. Un excellent Agora, film oui. d'Alejandro Amenábar. Ouais, ouais. Film que j'adore. Et je joue également dans le Navet The Darkest Hour. Sorti. Ah oui, ouais. Ah oui. Ouais, c'est vrai. C'était absolument. Oui, ça avait l'air bien pourri, ça, oui, c'est vrai. Abominable, ce film. Et on retrouve également Juno Temple. Donc, actrice que j'adore. T'as Juno Temple? Ouais, voilà, c'est vraiment, dans ce film, c'est, voilà, j'ai trouvé absolument magnifique, j'ai vraiment aimé le personnage. Enfin, là, c'est un personnage que j'ai trouvé beau pour son extrême gentillesse, mais c'est pas, Juno Temple avait l'habitude de jouer dans des rôles complètement barrés, donc, notamment dans Killer Joe, où c'était un peu la timbrée de service. Ouais. Tous les personnages sont timbrés dans Killer Joe de toute manière, mais voilà, donc dans tous ses rôles, elle a un rôle un peu voilà de fille sale, mais malgré son visage de poupée. Et ici, ça correspond parfaitement à l'image qu'on voit de l'actrice, sans savoir dans quoi elle a joué. Je m'exprime un peu mal. Et donc, enfin voilà, ici, ça m'a plu de l'avoir plus en retenue. Elle est très bien dans ce registre, d'ailleurs, dans le registre de la petite princesse de service en quelque sorte. Voilà, je choisis mal mes mots, mais c'est comme ça que le personnage est défini. Personne, voilà, de plein de grâce, de bonne volonté, que tout le monde aimait, voilà. Donc c'est assez cruel. Ouais, voilà, de fille populaire, et donc c'est assez cruel de se rendre compte, voilà, que c'était vraiment le seul point positif qu'arrive à trouver les gens au personnage de Daniel Radcliffe, donc le fait qu'il ait une copine populaire. Donc voilà, donc Juno Temple m'a bien plu. Après, dans le reste du casting, on retrouve Joe Anderson, donc qui jouait également dans la saga Twilight, il me semble, ouais. Isaac Graham. Joe Anderson dans Twilight ou Ouais, oui, dans Twilight, il a joué quoi? Dans Twilight, il jouait un vampire bleu. Enfin, voilà, dans la description, tout ça. Ouais, ça me parle. Ça me parle. C'est pas un personnage très très important. Il apparaît dans Révélation à la fin. D'accord. Après, il y a également Heather Graham de la trilogie Very Bad Trip. Mm. Encore une fois, elle a un rôle. Boogie Knight aussi. Boogie Knight aussi, mais je l'ai pas vu. Ah. Je l'ai trouvé vraiment très bien aussi dedans. Bon, elle a pas un très très grand rôle, mais c'est une apparition qui fait plaisir. Ouais. Donc le reste du casting est également très très bon. Donc, voilà. Après, la réalisation m'a beaucoup plu. Il y a des passages flashback que j'ai trouvé super super beaux, donc avec les Pixies en fond, enfin en gros de musique, que je voilà, il y a vraiment des scènes de pure enfin c'est des moments, il y a même des scènes contemplatives, donc voilà, c'est que le film mélange plusieurs genres, même dans la réalisation. Mm-hmm. c'est risqué hein, comme pari, hein. Il y a mélanger ouais, plusieurs a, genres c'est vrai que parfois c'est prend beaucoup de risques, voilà, c'est que parce que genre tu vois, tu disais dans Lucie ça mélange plein de trucs et finalement c'est pourri, ça rendait pas quelque chose de bien, voilà. Ouais. Voilà, et même les flashbacks, c'est vrai que les flashbacks quand tu en intègres dans ton film, faut vraiment que ça soit utile et faut que tu saches les faire aussi. Ouais. Parce que les flashbacks, c'est le genre de truc qu'on a vu 1000 fois au cinéma, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est mieux de faire la comparaison avec Lucie qui était sortie le mois dernier, dont j'avais fait ma critique. Ouais. Mais tu avais adoré. Oui. Et c'est absolument génial. Ouais. Et que tu vas retourner voir en 3D. Oui, bah oui, c'est bon, le 8 octobre. Et d'ailleurs, Luc Besson a dit qu'il allait faire le 2 normalement. Hein, donc, d'accord, voilà. Ok. Donc il a vraiment envie que tout le monde meure. Ouais. D'accord. Bah, apparemment, ça a été un gros succès, il a reçu de l'argent, donc voilà. Ouais, Luc Besson est vendu, quoi. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'il a même dit ne pas avoir d'idée pour cette suite, donc ce sera vraiment... D'accord. Il sera dans le même ton que le premier, alors. Oui, en gros, voilà. Déjà ah, il peut peut-être faire pire. Attention. Ouais. On sait jamais. Hein. Je vois difficilement. Si, mais voilà. Mm. Donc voilà. Donc le casting est très très bon. Donc, après, je vais revenir brièvement sur la bande originale. Donc, ouais. Donc il y a David Bowie, The Pixies, plusieurs groupes de rock des années 80-90. Sympa. Donc c'est vraiment une. Ouais, voilà. La bande originale est vraiment très sympa. Mm. Elle colle parfaitement à l'ambiance du film. Une ambiance très rock'n'roll, déjà parce que le personnage principal c'est un DJ à la base. Ouais. Oui, il y a vraiment cette ambiance. Daniel Radcliffe, et c'est un DJ à la base dans le film? Dans le film, oui, ouais. Ça fait bizarre. Oui, hein. Dans le film. Oui, c'est pas du tout le nom. Oui, ça me surprend, tu vois. Mm. Ouais. J'attendais pas à voir dans un truc comme ça. Oui, de toute façon, son rôle, je l'attendais pas du tout là-dedans et ça lui va, oui, ça lui va franchement très bien. De manière générale, oui, c'est sûr. Donc voilà, il y a des voilà, c'est franchement j'attendais pas à le voir aussi investi aussi. Bon, déjà dans Killer Darling. Quoi que tu sais, il a fait Écus, hein, une scène par du théâtre complètement nu. Donc ouais, j'en ai c'est quelqu'un qui choisit quand même ce qu'il fait, il fait pas n'importe quoi, Daniel Radcliffe. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc ouais, si ça pouvait. Ça surprend mais en même temps pas tant que ça, je trouve. J'étais quand même sûr que bon voilà, je par rapport c'est impossible de pas faire le comparatif avec Harry Potter parce que voilà, donc je repensais tout souvent au personnage et le voir dans Horns, c'est vrai que c'était assez c'était quelque chose de toute façon il faut qu'il s'en détache, hein, maintenant c'est fini, hein. Oui, bah justement avec Horns il s'en détache complètement et donc, je pense que c'est vraiment le film qui pourrait voilà le faire repartir vraiment sur d'autres horizons, franchement. Et ce serait bien parce que bon, La Dame en Noir était très bien, mais c'est vrai que le film a bien marché, mais bon, on avait encore Harry Potter était encore bien marqué en gros. Ouais, voilà, c'était pas le film qui l'aurait fait exploser, voilà. Donc, après, ce qui m'a plu également dans le film, c'est la photographie. Donc le directeur de la photographie est déjà sur Brothers de Jim Sheridan, donc avec Jake Gyllenhaal, Natalie Portman et Tobey Maguire. Donc j'avais déjà bien aimé la photographie de ce film et là j'ai un peu retrouvé les mêmes tons, donc un peu plus, parfois un peu plus vieux, voilà, un ton un peu grisâtre, et donc qui colle vraiment bien au film, à son ambiance. Même sur l'affiche du film tu t'en rends compte un peu, parce que tu prends celle de Brothers et celle de Horns. C'est très sobre, bizarrement, pour le sujet. Voilà. En fait. Ouais. L'affiche française de Horn, d'ailleurs, est très bien. C'est rare d'avoir des affiches comme ça. où ça reste sobre. Et même mieux que la fiche américaine. Ah oui, complètement. C'est justement bien qu'on fasse des affiches comme ça un peu plus sobres. Parce que t'es tellement habitué à avoir les trucs où t'as tous les acteurs sur l'affiche avec tous les noms, les numéros, titre. Là, j'ai l'affiche devant moi, il y a vraiment de très belles couleurs. Le côté un peu, voilà, le côté angélique de Juno Temple à côté, il y a un joli comparatif. Et donc moi, je recommande Horns. C'est un coup de cœur. Il y a pas mal de défauts quand même. Donc, il y a des moments, des petits défauts de rythme. Ouais. Je pense que c'est un peu inévitable avec tous les joueurs qui s'accumulent. Des fois, je comprends que ça puisse en repousser plus d'un. Moi, ça m'a vraiment plu. Mais voilà. Donc, je le recommande. C'est un coup de cœur. Et donc, voilà. Donc, allez le voir si vous avez le temps. Si, d'accord. Ça vient sortir mercredi. Ok. Allez-y pour nous en fait. Allez-y pour moi en tout cas. Si passe près de chez moi, je pense que j'irai le voir si j'ai le temps. Encore. Oui. Ça c'est encore à voir. Hein, parce que... Oui, c'est vrai. Aussi, voilà. Je peux faire beaucoup de ciné ce mois-ci. Il y a pas mal de films que je voulais voir. Ok. Donc tu as encore un film rapidement Donc oui, ça va être très bref. C'est sur. Donc je voulais parler un peu d'Avant d'aller dormir de Rowan Joff. Donc à la base c'était pas du tout un film que je voulais aller voir. Normalement je vais aller voir Elle l'adore, mais donc voilà. Donc, j'avais loupé ma séance, donc du coup j'ai dû aller voir ça. Et c'est un film avec Colin Firth et Nicole Kidman. Ouais, donc je vais en parler très très brièvement. Au départ je voulais placé dans la catégorie coup de gueule, mais dans le fond j'ai pas tellement envie de cracher dessus. Ouais. C'est juste un film que j'ai trouvé assez plat. En fond, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est vrai que je vais en parler assez brièvement. C'est vraiment un film qui repose uniquement sur son twist. Apparemment la presse n'a pas aimé aussi. Hein. Enfin, il y a certains, ce que je vois sur Allociné. Bon, après. Ouais, c'est vrai que c'est. Enfin voilà, la réalisation est plate, les personnages sont pas assez développés. Donc voilà, donc je vais vous lire ici un petit. Donc, suite à un accident 14 ans plus tôt, Christine est affectée d'un catarrhe d'amnésie. Chaque matin, elle se réveille sans se souvenir de rien, ni même de son identité. Dans son dernier espoir réside dans son médecin, Ed Nash, qui lui conseille de tenir un journal vidéo. Elle pourra ainsi enregistrer les informations qu'elle traque et se souvenir peu à peu de son passé, reconstituant progressivement le fil de son existence. Mais très vite, ses rares certitudes vont voler en éclats. Eh ben, tu sais quoi, le synopsis m'a donné envie, mais... Oui, voilà. Je l'ai passé à plusieurs amis, d'ailleurs, le synopsis, et ça donnait envie. Ça me fait penser un peu à Memento. Oui, oui, oui. Il y a, dans beaucoup de critiques, j'ai vu que les gens faisaient comparatifs avec Memento. Et c'est vrai que le film, enfin, il n'est pas du tout monté de la même manière que Memento. Ouais. La manière dont était monté Memento était révolutionnaire. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut faire penser à Memento. Et justement, le postulat de base était excellent, et j'ai trouvé que le film s'attardait trop sur des points qui n'étaient pas intéressants, sur l'histoire personnelle de Nicole Kidman, où on avait un peu rien à faire, voilà. Ouais. Le film s'attardait sur des trucs un peu trop inutiles sur 1h30, au lieu de faire vraiment efficace et court, c'est ultra posé, et j'ai vraiment eu l'impression de voir un film de 2h30. Enfin, franchement, c'était ultra lent et pas dans le bon sens. Voilà, il y a certaines lenteurs dans certains films qui sont bien, et là c'était vraiment c'est pas justifié. Voilà, il y avait des voilà, ça s'arrêtait sur certains points qui étaient inutiles. Et au final, même si le twist est convaincant, il est pas mal, l'ensemble est trop, enfin voilà, c'est trop tard, quoi. Le twist arrive à la fin, évidemment, et c'est déjà trop tard, quoi. Le film, enfin le mal est fait, on va dire. Le film est mauvais, voilà. Donc il y a des bons acteurs, mais en même temps les personnages sont pas assez bien écrits, donc ça leur rend pas vraiment lucide, on va dire. Bon, il y a une scène où Nicole Kidman nous prouve bien évidemment que c'est une immense actrice, mais voilà, ça reste quand même avec un rôle mal écrit, donc elle n'a pas vraiment l'occasion de prouver son talent, encore une fois, même si elle a pu la prouver. Colin Firth est également très bon, mais voilà, les personnages sont mal écrits, le scénario est mal écrit, les dialogues sont lourds. C'est Roman Joff qui a fait le scénario d'ailleurs, je vois. Il a aussi fait le scénario. Ouais. Donc voilà, donc avant d'aller dormir, en revanche, celui-là, je le recommande pas. D'accord. Il est sorti le 24 septembre 2014 et voilà. Tu préfères aller dormir. Oui, je préfère aller dormir. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, si personne n'a rien à rajouter. Non, okay. C'est bon. On va passer tout de suite au film du mois. Préparez-vous, car c'est l'heure de la rubrique du film du mois. Quel film faut-il absolument aller voir au cinéma ce mois-ci, ou lequel faut-il éviter? Vous n'achèterez plus vos tickets de cinéma pour rien, tout en manquant le meilleur, grâce à la rubrique du film du mois. On se retrouve donc pour le film du mois, ce mois-ci, on va vous présenter Sin City 2, J'ai tué pour elle. Un petit avertissement avant qu'on commence notre critique, Quentin n'est pas là parce qu'il n'a pas vu le film, donc je suis juste avec Eddie. Voilà. Je vais rappeler rapidement les informations du film et après on va vous donner notre avis sur le film. La réalisation est par Frank Miller et Robert Rodriguez, cette fois-ci pas avec Quentin Tarantino, et qui avait fait une scène dans le premier. Le scénario est de Frank Miller, il est sorti le 17 septembre 2014 en France. Les acteurs principaux sont Josh Brolin, Eva Green, Mickey Rourke, Joseph Gordon-Levitt, Jessica Alba et Bruce Willis. Donc je l'ai vu ce matin, le film, donc je l'ai en mémoire, mais je suis assez intéressé d'avoir ton avis, Eddie. Mais moi c'est Eddie. Hein. Parce que je sais que c'est pas ton style de film, comme tu l'as dit déjà pour le premier. Donc... Ouais. Mais c'est que c'est pas mon style, c'est pas mon style, c'est des histoires qui me laissent un petit peu indifférent. Après, voilà, tout ce qui est les limites, mafia, gangster et compagnie, c'est qu'il y a que Martin Scorsese en fait qui arrive à me faire aimer ces films-là parce que je sais pas, il a plein de trucs, il y a du lyrisme et tout ça. Même Le Parrain, Coppola. J'ai pas vu, ça m'intéresse pas du tout en fait. Je sais, hein, c'est des grosses lacunes à rattraper, mais je ne les ai pas vues. Je les verrai certainement un jour, mais vraiment que je sois très très motivé. Ouais, il faut être motivé parce que c'est assez long. C'est long, il y en a trois en plus. Donc, bon, voilà, quand c'est pas ta tasse de thé, c'est vrai que. C'est sûr. Donc voilà. Et donc concernant Sin City le premier, donc c'était le même truc. Hein, mis à part le côté visuel, ça m'attirait pas des masses. Donc du coup, j'ai vu le premier pour pouvoir voir le second pour le podcast. Et bizarrement, moi, j'ai préféré le deuxième. Ah. Alors, j'ai pas adoré, mais je pense que j'ai préféré le deuxième parce qu'il y a une dimension plus romanesque, je trouve. On retrouve tout ce truc sur la prostitution, sur les flics ripoux, avec des anti-héros toujours. Mais je trouve que les histoires gagnent pas en ambition, mais moi personnellement me touche plus. Je pense en fait que, de manière générale, le film est en dessous du premier, et que par contre, voilà, si je me base vraiment sur mon ressenti personnel, moi ça m'a plus intéressé, on va dire. D'accord. Ok. Sinon, après, je trouve que bon, voilà, c'est toujours visuellement très beau, même si pour le coup maintenant l'effet de surprise est passé. Je pense que c'est plus... voilà, déjà le fait de sortir peut-être le film 8-10 ans après... 8 ans 9 ans, je sais plus. 8 ans, je crois. Voilà, 8 ans après le premier, je pense que c'est qu'on l'attendait plus, tout simplement. Enfin, je pense que le public ne l'attendait plus, ce film-là, en fait. C'est trop long. Ouais. Visuellement, ça plaît toujours si on est amateur du truc, quoi. Mais là, je pense que c'est clairement... on n'a pas l'effet de surprise du premier, on n'a pas le... Même moi qui n'étais pas attiré par le truc, c'est vrai que ça m'avait quand même... voilà, ça te laisse un peu... pour parler simplement, ça te laisse un peu sur le cul de cette mise en scène et ces images. Après, ce que j'ai aimé, c'est je trouve le film plus divertissant. Parce que justement, il se focalise moins sur l'exposition de ces héros. Par exemple, on retrouve le personnage de Dwight... Ouais. Donc qui est joué par Josh Brolin ici, qui était joué par Clive Owen dans le premier. Oui, oui. Et parce que le film, c'est en fait comment dire, c'est pas vraiment un préquel, c'est pas Non. vraiment une suite non plus, c'est un mélange des deux en Ouais, fait. c'est ça, en fait, c'est. Bah, comme le premier, en fait, il y avait un moment qui se passait dans le passé, un moment qui se passait dans le présent, dans le futur. Enfin, voilà, c'était assez mélangé. Y a deux histoires alors y a deux histoires dans celui-ci qui sont, enfin, moi, si j'ai bien compris, qui se passent Après, ouais. après la fin du premier film, C'est ça. et il y en a une qui se passe avant. Donc celle du milieu avec Eva Green et tout ça se passe avant, en gros. Ouais, moi, c'est ce que j'ai compris. Après, Ouais, je me suis c'est peut-être ce que planté j'ai ou, compris aussi. voilà. Donc voilà. Donc justement, toute la partie Josh Brolin, Eva Green, Rosario Dawson et compagnie, moi, je pense que c'est vraiment la partie qui m'a le plus plu. Pas parce qu'on voit Eva Green toute nue tout le temps, mais au contraire. Il y Mais a un parce moment, que, ça c'était assez. ouais, t'avais un peu C'était. l'impression qu'il a foutu à poil parce que, Voilà, voilà. parce qu'il faut la foutre à poil, parce que ça va faire des belles images pour le Voilà. trailer ou pour. Voilà. C'est ça. Bon, après, ça lui enlève pas sa classe, hein, je veux dire, Oui. Eva Green, après, faut aimer ou pas. Moi, j'aime bien son jeu un peu C'est très, complètement très, très à l'apparence, je décalé. trouve. Ouais, Enfin, mais très. moi, ça me plaît bien, ça, par exemple, tu vois. Comme dans le premier, j'aime bien, on retrouve ce côté des personnages complètement exubérants. Je vois genre Eva Green quand elle pleure vraiment à fond, c'est surjoué et tout, mais c'est fait exprès, c'est voulu comme ça. Donc, moi, ça m'a plutôt plu. Comme j'ai dit, les enjeux sont moins ambitieux, par contre. Le développement de l'univers est intéressant, même si je pense qu'il aurait, voilà, pour un film qui s'appelle Sin City, je pense qu'il aurait quand même fallu que ça se passe un petit peu plus dans la ville, quand même. Ouais, et puis j'ai l'impression qu'on trouve aussi toujours les mêmes endroits. Ouais. C'est une grande ville quand ils nous la montrent d'ensemble, C'est ça, mais ouais. on est toujours coincé dans les mêmes bars, dans les Et tu mêmes. retrouves toujours la vieille ville, Ouais, voilà, c'est ça. le coin des prostituées, tout ça, Et les mêmes bars, les mêmes pubs, je pense que ça aurait pu être bien de développer un peu plus l'univers, Ouais. plutôt que de rester coincé dans l'univers du premier. Parce que même tu vois une scène carrément neuve avec des nouveaux personnages, je pense à Joseph Gordon-Levitt qui va dans un bar, là, il se fait servir par Lady Gaga. Et ça m'a fait rire. Bon, elle est pas, on la voit pas longtemps, hein. Et puis bon, ça va, elle est pas. Ouais, elle a trois lignes de texte. Et ça, par exemple, tu vois, c'est un endroit. Je pense que c'est un endroit nouveau, hein. Je Oui, me rappelle pas. c'était un endroit nouveau. Mais même dans les décors, il y a pas de, ils cherchent pas à faire vraiment différent, en fait. C'est peut-être un petit peu trop ton sur ton. Du Bon, coup, ouais. après voilà. Le développement des personnages est bien, je trouve. Notamment au niveau de Nancy, Jessica Alba. C'est intéressant. Moi, voilà, ça va. Moi, de manière générale, ça m'a plus plu. C'est pas le film qui m'a marqué cette année, mais bon, du coup, je regrette pas forcément d'avoir été au cinéma, quoi. J'ai pas, c'est toujours pas ma came, mais ça me, non, voilà, je suis quand même plus convaincu par celui-ci. Ok. Bon, alors, moi, je vais donner un petit peu mon avis. J'ai bien aimé le premier. J'ai été un peu déçu par le deuxième, je vais tout de suite le dire. La réalisation est toujours au top. Ça, il n'y a pas de problème. C'est plutôt. Bon, je vais dire d'abord ce que j'ai aimé. Tu l'as vu en 3D ou pas? Non, On a non, non, pas je l'ai fait vu ça. en 2D. Moi non plus, hein, je l'ai pas vu en 3D. Mais j'ai eu la chance de le voir en VOST. Et Oui, mais moi aussi. Eva Green n'a pas un accent français. Et c'est assez impressionnant quand même. Ah, mais Eva Green, c'est une actrice Ben, oui, qui est française, mais bon, elle tourne pratiquement jamais dans le cinéma Voilà, français. c'est ça. Et Donc donc. elle a pas d'accent particulier, en fait. Oui. Mais le dernier film que j'avais vu avec elle, je sais même plus quel film, mais je l'avais vu en VF, donc je pouvais pas juger. Mais là, franchement, j'étais assez impressionné. Si on m'avait pas dit qu'elle était française, j'aurais pas Bah, cru. moi, je suis habitué, parce que là, j'ai regardé la série, justement, Penny Dreadful, Oui, ouais. de Showtime avec Eva Green, et elle est très très bien. Et elle a pas un accent, elle a pas un pet d'accent français, c'est sûr. Oui. Les acteurs sont très bons. Eva Green, j'ai un peu plus de mal. Même si j'aime bien aussi ce côté un peu surjoué, des fois, mais j'avais l'impression que c'était un peu trop, en fait. Mais c'est un petit peu sa marque de fabrique Ouais, aussi, hein. ouais, Elle a toujours, elle se plaît à faire les gros yeux écarquillés, les sourires en coin, tout ça. Elle se donne un espèce de trait de visage diabolique un peu. Ouais. Moi j'aime bien, c'est, je trouve ça burlesque un peu et ça me plaît. Ouais. Le jeu des couleurs, enfin, on n'en avait pas parlé dans le premier, mais assez important. Ouais. Je trouve ça super bien fait. En fait, ben, par exemple, pour les yeux verts d'Eva Green, ou enfin, il met de la couleur sur sur des parties assez importantes Ouais. et on regarde directement. Là, par exemple, dans ses yeux, quand bon, je vais pas dire ce qu'elle fait parce que ce serait un peu du spoil, mais ouais. Mais ses yeux ne sont pas verts au début, c'est à partir d'un Voilà. certain moment. Et c'est comme il y a une ligne de texte où il parle à un personnage, je sais plus lequel que c'est, mais il dit, quand je lui ai dit ça, en gros, ses yeux sont devenus rouges, et Ouais, ses yeux deviennent rouges. c'est ça. Mais ouais. Et c'est un bon moyen pour ponctuer la narration, je trouve, en fait, ces Ouais. cheveux de couleur. Et à contrario, dans d'autres moments du film, toi, par exemple, il y en a un qui a un manteau complètement jaune, ou je sais plus quoi, je trouve qu'il y a trop, il y a trop de cou, il y a peut-être trop de couleurs, en fait, à un certain moment. Je pense que ça a plus d'impact sur les petits détails, tu vois, genre les yeux ou les lèvres, par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc voilà, le jeu de couleurs était. Enfin, j'ai bien aimé. Joseph Gordon-Levitt, j'adore son personnage. Même si. Bon, je vais pas dire ce qui lui arrive, mais. Oui. Voilà, c'est ce que je disais à propos Ouais, des voix hors exactement. caméra, il faut pas Voilà. avoir de Si problème avec ça. vous aimez pas les craquages ou les bruits d'os, Oui. bouchez-vous les oreilles et fermez vos yeux parce que. Je pense, c'est préférable. Voilà. Bruce Willis qui fait son retour, voilà, deux trois petites lignes, C'est vraiment histoire de dire, hein. voilà, c'était sympa. Il a fait un jour de tournage et puis voilà, il a reçu son petit cacheton. Oui, voilà, je pense que oui, il est content, il a eu son petit truc, mais bon, c'est vrai qu'il est pas, il est marqué sur l'affiche, mais bon, il est pas là non plus. Il y a quelques petits caméos qui m'ont fait plaisir, genre, j'arrive même plus à me souvenir de son nom. Doc, Voilà, Doc. je sais plus comment il s'appelle non plus, Ouais, voilà. nom de Zeus. Ouais, donc Doc de Retour vers le futur. Et voilà, maintenant, j'oublie son nom, bon, c'est pas grave. Vous voyez de qui je parle. Qui fait une toute petite apparition, mais qui est quand même dans le générique. Donc, Mais qu'on ne voit plus en plus, c'est ça qui fait plaisir ouais. aussi, c'est que c'est un acteur qu'on ne voit plus beaucoup. Et puis aussi, une petite apparition de Frank Miller et de Robert Rodriguez. Dans un petit passage de quelques secondes, voilà. Moi, j'ai pas capté ce que je connais pas leur visage. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est l'aspect, en fait, se concentrer. Dans le premier, on se concentrait vraiment sur les personnages masculins. Là, il y a une partie vraiment avec le personnage de Jessica Alba, où on se concentre sur un personnage féminin. Qui arrive peut-être trop tardivement d'ailleurs. Ouais. Parce qu'on est tellement habitué, en plus, j'ai l'impression qu'ils ont toujours les mêmes voix vraiment très rauques dans leur narration. Et quand d'un coup on entend une voix une voix plus aiguë, une voix de femme, eh ben, ça change et ça donne un petit renouveau qui manque au décor, mais que là, il ajoute dans la narration. Ouais. Donc voilà. J'ai été déçu en fait par la fin, qui à mon avis est. En fait, c'est bon. Ben, on savait pas comment finir, donc on finit comme ça et ben, on fera peut-être une suite. Voilà. Qui du C'est coup, comme ça que je l'ai ressenti en fait. a l'air assez compromise étant donné le résultat du chiffre, Voilà, c'est ça. les résultats du film aux États-Unis. Donc, oui, j'ai été déçu par la fin et par le manque de renouveau en fait. Surtout, j'avais vu le premier hier et le deuxième aujourd'hui. Et ben, j'avais l'impression d'avoir vu les deux mêmes films. Oui, c'est Donc, ça. au bout Ben d'un moi, je moment, les ai c'est. vus l'un à la suite de l'autre aussi parce Ah que. oui, mais. Au bout d'un Mais c'est moment. vrai que tu sens que c'est bah, ça plaira, je pense, à ceux qui ont vraiment adoré le premier, qui sont fans du roman graphique. C'est vrai que Ouais. pour ceux qui ont apprécié le premier ou qui voilà qui l'ont vu et qui ont aimé, ça donne vraiment la sensation d'être une suite pour être une suite. Après, voilà, on peut aussi, moi par exemple, tu vois, j'ai apprécié pour ce que c'est, quoi. Mais c'est vrai que quand on le replace dans le contexte, ça fait vraiment la suite. Pour faire une suite et sans que ça développe grand grand chose. Ouais, ça se sent vraiment tout au long du film et puis Du coup, ça justifie pas énormément l'attente de 8 ans entre les deux films. C'est un surtout petit ça. peu ça, je pense, qui dérange aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. La musique, je l'ai pas vraiment remarqué. Égal au premier, hein. Voilà, c'est... Les génériques de début sont toujours voilà, aussi bien. De début, génériques de fin sont bien, voilà. Mm. Après, pendant le film, c'est un peu de jazz, un peu de... Selon les situations. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment très... Enfin, c'est pas... C'est pas la BO qui reste en tête des Gardiens de la Galaxie. Non, ça c'est sûr. Donc, voilà, si t'as quelque chose à rajouter. Moi, non, c'est bon. Ok, voilà. Bon, ben, on a fini. Si vous avez aimé le premier, vraiment, allez le voir. À mon avis, c'est déjà fait. Et puis, ben... Il y a les critiques sur... Enfin, il y a la mienne, en tout cas, sur le visionnement. Voilà. Donc, allez jeter un coup d'œil pour plus de détails. Je fais un peu ma pub, désolé. Non, mais... De toute façon, c'est sur le site, donc... Voilà, c'est entre nous. Voilà. Voilà, donc si vous voulez plus de détails, allez lire la critique d'Eddie. Et ben, nous, on va se retrouver pour l'agenda cinéma Movie Nerd. Vous ne savez pas quoi aller voir le mois prochain? Ça tombe bien. Parce que c'est le moment de l'agenda cinéma Movie Nerd. L'agenda cinéma. Et nous sommes à la rubrique de l'agenda cinéma d'octobre où on va vous présenter les films qu'on attend le plus pour le mois prochain. On va commencer tout de suite avec un film canadien, plus précisément québécois, qu'on attend tous les trois, Mommy, qui sort le 8 octobre. Je vous laisse la parole. Et dont on fera la critique oui. Uniquement en québécois, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Bah oui. Ah, évidemment, dans le podcast, dans la poche. Ouais. Ben on l'attend tous les trois, en fait, ouais. Mommy de Xavier Dolan. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc, bah, vas-y, le grand fan de... Oui, le grand fan de Xavier Dolan. Bah, pourquoi je l'attends? Parce que c'est Xavier Dolan. Ouais. Non, c'est surtout parce que le sujet m'intéresse beaucoup. Parce que j'adore Anne Dorval, que je trouve vraiment, vraiment très, très, très, très douée comme actrice. Moi, j'ai découvert avec Le Cœur à ses raisons. Mais après, j'ai vu dans d'autres trucs... Et c'est vrai qu'elle voilà, a vraiment, vraiment du talent, c'est une actrice caméléon un peu. Ouais. Et voilà, le sujet m'intéresse beaucoup, les histoires comme ça de famille, et puis, j'ai vraiment, vraiment envie de voir ce que Dolan va faire de cette histoire. D'accord. Et donc moi, si je l'attends, c'est vraiment plus pour la bande-annonce qui m'a vraiment convaincu, la bande-annonce de 3 minutes où voilà, les personnages m'intéressent, hein, pareil pour le sujet, donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'attends. Ok, ben moi c'est à peu près les mêmes raisons. Hein. C'est le sujet a l'air super passionnant et puis voilà, c'est vous avez déjà tout dit. Et ça a l'air super beau. Oui, aussi, voilà. Et ça a l'air magnifique. Dans la réalisation avec le cadre bien précis. Ouais. Ouais. On vous invite à voir la bande annonce d'ailleurs. Gone Girl. De toute façon, on mettra les liens. Oui, ben, on met tous les liens sur le site partout. Donc voilà, comme ça. Ouais. Gone Girl, hein, le film personnellement que j'attends le plus le mois prochain, et je pense que je suis pas le seul. Et très attendu par notre Gone Boy sur Movie ouais. sur Skype, donc Quentin, c'est une privée de joke, donc Quentin a le Gone Boy, donc voilà, c'est pour ça. Donc bah, je te laisse présenter le film. Hein. Oui, donc moi j'attends beaucoup Gone Girl, donc déjà. Non objectivement parce que Fincher, voilà, c'est ouais, mon réalisateur ouais. favori, j'idolâtre ce réalisateur au plus haut point, voilà, il a eu ses hauts et ses bas dans sa filmographie, mais je l'adore quand même, voilà, c'est vraiment beaucoup un réalisateur. De haut, quand même, hein. Beaucoup de hauts, oui. Mais voilà, franchement, j'adore David Fincher, le casting est superbe, Ben Affleck, voilà, la bande-annonce est géniale, les premières images sont superbes. Mm. J'attends énormément ça aussi. Ok. Oui, ben moi aussi, grand fan de Fincher, je pense qu'on l'est tous. Pas tous. Wow. Moi, j'aime bien, après, j'aime beaucoup, mais de là à dire que je suis fan. Ouais. Non, mais j'apprécie Fincher, j'apprécie ouais. son travail. Ouais. C'est sûr que ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, mais. Voilà, c'est principalement les acteurs, le sujet, la photographie qui est toujours magnifique hein, chez Fincher. Oui. Et voilà, Eddie. Ben moi je l'attends, je l'attends pas forcément parce que c'est Fincher, ouais. mais parce que bon, même si je lui fais confiance, hein, je sais de quoi il est capable. J'ai pas forcément aimé tous ses films. Mais voilà, je l'attends quand même. Je l'attends surtout parce que Ben Affleck. Ouais. Et surtout parce que Ben Affleck, justement, depuis quelques années, depuis qu'il a commencé la réalisation aussi, ouais, il a quand même beaucoup gagné, je trouve, en charisme, en prestance au niveau de ses personnages. Mmh. Et ça me donne vraiment envie de voir ce que ça peut donner dans ce thriller-là. Ouais. Donc voilà, c'est principalement pour ça. Je suis curieux, très curieux. Ouais, d'accord. Ensuite, on va passer à Samba, qui sort le 15 octobre. Qui veut prendre la parole? Parce que moi, je... Bah, Quentin, ouais, si tu veux. Je veux bien, oui. Alors moi, si je l'attends, c'est vraiment pour le retour du duo Toledano-Nakache. Bon, je trouve franchement, dans le paysage des comédies françaises actuelles, je trouve que c'est vraiment ceux qui font les meilleures choses. J'ai adoré Tellement Proche, j'ai adoré Intouchable. Donc voilà, donc j'attends beaucoup leur... Tellement Proche, c'était très très drôle aussi. Ça. Oui. Je me rappelais plus, mais c'est vrai qu'il y a une excellence. Ben moi c'est pareil, hein, c'est pour ça que je l'attends aussi, c'est parce que Intouchable m'avait... Intouchable était très drôle, oui, mais c'était beau aussi. C'était dramatique et émouvant, voilà, c'était vraiment deux personnages touchants et j'ai vraiment envie de voir ce que peut donner Omar Sy dans ce registre, encore un peu plus dramatique quand même, ouais. Même si la bande-annonce dévoile quand même, a l'air de dévoiler de bons instants comiques. Et puis aussi parce qu'il y a Charlotte Gainsbourg, quoi, et que c'est pas n'importe qui, donc voilà, c'est principalement pour ça. Le duo entre les deux acteurs a l'air tellement, tellement beau, et la symbiose, voilà, donc ça me tente beaucoup. Ouais, ok. Ouais, bon, moi j'ai rien à dire dessus, je j'attends pas particulièrement, mais voilà. White Bird, 15 octobre, toujours. 15 octobre est assez chargé en film, mm-hmm. donc... qui va en parler en premier? Quentin, qui l'attend plus, je pense. Ouais. Ouais, je l'attends pas mal parce que Mysterio Skin est un de mes premiers chocs en tant que cinéphile. Mm-hmm. Donc, franchement, j'ai adoré et détesté ce film à la fois parce que je veux plus jamais le revoir, mais j'ai adoré. Ce qui est excellent, ouais. Mais le film a traumatisé. J'ai peut-être découvert un âge où il ne fallait pas vraiment que je. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Donc j'attends voilà pour le retour d'Araki, aussi pour Shailene Woodley qui est une de mes actrices, pas une de mes actrices préférées mais une de mes chouchoutes on va dire. Je suis sa carrière avec attention. Nouvelle venue que t'aimes bien quoi. Voilà c'est ça. Et puis Eva Green évidemment la classe. Ouais. Moi je l'attends beaucoup dans le sens, enfin j'attends beaucoup, je l'attends. Parce que justement Eva Green dans un rôle où on n'a pas trop l'habitude de la voir, ouais. Elle a l'air d'avoir un rôle un peu plus maternel et c'est pour ça que ça me tente beaucoup. Par contre, j'ai jamais vu un Greg Araki de ma vie. J'ai pas encore vu Kaboom, je l'ai chez moi, écoute, je le vois, mais ah regarde-le, il y a Juno Temple. Oui, bon ben voilà, je le regarderai. Et d'ailleurs, je pense que je le verrai avant d'aller voir Wilder. Donc voilà, surtout pour ça, j'ai envie de voir l'exercice un peu d'Eva Green dans ce genre de prestation. En fait. D'accord. Ensuite, le 15 octobre, toujours, bon, là c'est juste Quentin qui l'attend. Le Labyrinthe. Donc moi, je le qualifie comme le Hunger Games du pauvre, mais après. on l'a pas vu, hein. Ouais, voilà. Moi, ça m'inspire pas confiance. Voilà, c'est ça. C'est plutôt la bande-annonce en fait qui fait penser vraiment. À ce genre de film, voilà. Bah, je te laisse défendre le film. Voilà. D'accord. Donc, déjà, ayant lu les livres à la base, j'ai lu que le premier, j'attends les films, mm-hmm. donc la saga, parce que ça va être une saga. Ouais. Aussi, le casting m'a plutôt bien convaincu, la bande-annonce également. C'est un teen movie, voilà, qui se repose sur les mêmes, à peu près les mêmes idéaux que New York Games ou encore Divergent sorti récemment. Ouais. Mais ça m'intéresse, ça a l'air quand même un peu de se démarquer, voilà. C'est pas les petites bluettes qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà. Toutes ces choses, je l'attends quand même. Ok, d'accord. Ensuite, le 22 octobre, Fury, avec Brad Pitt. on n'entend pas beaucoup parler. Non, c'est bizarre d'ailleurs. Ouais, ce qui est assez étrange. Pourtant, ça a l'air plutôt bien, d'après la bande-annonce. Mm-hmm. Ça donne vraiment envie. Hein. Moi, personnellement, en tout cas. Il y a un joli casting. Ouais. Bon, il y a Logan Lerman, mais bon. Non, c'est quand même le réalisateur de End of Watch, donc. Ah oui, ouais. Je connais pas. Mais oui, moi, c'est parce qu'il y a Brad Pitt, et puis ça me tente bien. J'aime bien les. Bizarrement, je suis pas hyper attiré par les films de guerre. Je préfère les films sur la guerre. Qui sont vraiment deux choses différentes. Mais là, je sais pas. Le film me tente, tout simplement. Ouais. Je verrai. Ça n'a pas l'air de se concentrer complètement sur le conflit aussi. Hein. C'est pas... Non. Ouais. Mais c'est vraiment sur ce groupe de personnes, en fait. Ouais. Sur les dernières guerres de la Seconde Guerre mondiale. Ok. D'accord. Et le dernier film, La légende de Manolo, que j'attends énormément. Et Quentin aussi, je sais. Eddie, je sais pas trop. Non, ça me parle pas plus d'accord. que ça. Donc c'est un film d'animation produit par Guillermo del Toro et qui parle du jour de la mort. Et je vous d'ailleurs, je crois que j'avais fait une bande annonce du mois sur la légende de Manolo, ou au moins allez la voir parce qu'elle est vraiment super. J'adore ce genre d'animation, on voit pas ça tous les jours et ça a l'air vraiment excellent. Et peut-être que Guillermo del Toro nous surprendra encore. Voilà. Quentin? Ouais, pareil, parce que la bande-annonce, voilà, je retrouve bien l'univers de del Toro dans la bande-annonce. Ouais. C'est voilà, c'est vraiment très très très coloré, mais à la fois c'est pour un film d'animation, faut les couleurs assez sombres quand même. Enfin, c'est un contraste, voilà, coloré, sombre. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu pensé à Les Noces Funèbres, quelque part, enfin, dans son, ben, voilà, le côté coloré chez les morts et le côté un peu plus sombre chez les vivants. Je trouvais ça intéressant, voilà. Ouais. Et puis, la séparation, hein, qui est bien, bien distinguée, durant la bande-annonce et à mon avis, durant le film, on verra ça, mais, entre les deux mondes, ça a l'air assez intéressant. Voilà. Donc, je vais vous demander quel film vous attendez le plus dans tout ce qu'on a présenté pour le mois d'octobre. Ah bah Mommy de Xavier Dolan. Ok. Et moi personnellement Gone Girl. Ok, bon moi j'hésite entre Gone Girl et Manolo, mais comme tu as déjà dit Gone Girl, je vais dire Manolo. Voilà. Comme ça, un petit film d'animation de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, donc on a fini l'agenda cinéma de. Nerf herder! You shit-kicking, stinky horseman, horse-smelling motherfucker, you! You're a fucking secretary. Fuck you! Yeah, that's my message to you. Fuck you and kiss my ass. Dans un monde où les déceptions sont légion, l'équipe Movies Nerd, qui détient le secret des anciens Mayas grecs, est le seul espoir de l'humanité. Aujourd'hui, il révèle enfin ce secret mystique qui protégera les générations futures d'être déçus au cinéma. Car c'est la rubrique de la bande-annonce du mois. On se retrouve donc pour la bande-annonce du mois. Quentin nous a quittés, mais je suis toujours avec Eddy. Et on a choisi deux bandes-annonces ce mois-ci. La première, c'est sur Jupiter Ascending, dont on vous parle beaucoup depuis quelques mois, qui devait sortir en juillet, je crois, oui, c'est cette ça. Année, mais qui a été repoussé au 4 février, donc c'est très long. Mais s'il devait faire des ajouts ou si le film n'était pas complètement fini, c'est peut-être justifié. Voilà, ça rassure un peu, dans un sens, c'est dommage, parce qu'on est impatient, mais si c'est pour avoir un meilleur résultat, c'est pas mal quand même. Ouais. Donc, la bande-annonce, tu l'as vue, enfin on l'a vue, et dis-moi ce que t'en as pensé. Alors moi les films de SF, c'est vrai que j'ai depuis tout petit, j'en ai pas vu énormément en fait. J'ai commencé à prendre goût à la SF bizarrement avec Avatar. Alors là, donc c'est assez curieux hein, mais donc après pour prendre goût à la SF. Ouais, mais c'est le moi j'aime la SF, les tu sais, tu vas sur d'autres planètes et c'est des univers qui se développent comme ça. Ouais. Moi je suis pas dans la SF alien, c'est pas ce qui m'attire. Ouais. Et du coup après j'ai enchaîné, tu vois, j'ai vu les Star Wars, parce que je n'avais pas vu tout petit par exemple, ça m'attirait pas, donc je les ai vus, j'aime beaucoup. Après, et même d'autres petits films, tu vois, à côté, genre Oblivion ou les trucs plus comme la SF mais plus terre à terre en fait, exploration plutôt. Ouais. Et 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais. Évidemment. Donc là, ben, ce qui me tente dans Jupiter Ascending, c'est déjà j'ai adoré le travail des Wachowski sur sur Cloud Atlas, qui était vraiment excellent, un film magnifique. Et donc toute leur partie Neo Séoul dans le futur là sur Cloud Atlas, ça m'a donné très envie d'en découvrir un peu plus. Et donc voilà, c'est ce que j'espère retrouver un peu dans Jupiter Ascending. Et c'est vrai que la bande annonce donne vraiment envie. Ils ont l'air de développer un univers et l'histoire en elle-même a l'air aussi d'envoyer du lourd. Ouais. Donc, à voir. Ouais, la réalisation a l'air super aussi. Hein. Bon, après, oui. C'est les Wachowski, ils sont dans leur univers. C'est ça. La SF. Comme tu disais avant, on espère qu'ils vont pas se complaire là-dedans. Se complaire, ouais, dans cet univers et puis nous laisser tomber. Mais non, mais je pense que ça devrait aller. Ça dépend autant sur les deux derniers Matrix, c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà. Après, ils sont capables de faire plus humble aussi, donc bon, ouais. Reste à voir quoi. Mais ils produisent beaucoup, enfin, même si c'est pas un film indépendant, par exemple, Cloud Atlas, c'était vraiment un film quasiment indépendant parce que c'était produit avec leur argent plus l'argent de 2-3 personnes. Mais c'était pas et la pub, enfin, il n'y avait pas beaucoup de pub dessus non plus. C'est pour ça qu'il a pas marché, je pense. Mais et donc voilà. Moi, j'attends énormément. Je suis un fan des Wachowski, même si j'ai toujours pas vu Cloud Atlas, qu'il faut absolument que je voie. Essaye de le voir justement avant Jupiter. Ouais, c'est sûr que avant le 4 février, je l'aurais vu. Pas de problème là-dessus. Et donc voilà, on vous conseille d'aller voir la bande-annonce pour vous faire votre avis sur d'ailleurs l'univers et aussi les effets spéciaux qui sont vraiment super. Voilà. Ouais, c'est très, ça a un côté très ethnique, je trouve, au niveau des costumes, des aliens et tout ça, ça a l'air vraiment très, ça a l'air très curieux, mais moi, franchement, voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ça. Ouais, on a l'impression qu'ils ont vraiment travaillé sur leur univers et qu'ils n'ont pas juste écrit ça au hasard. Et ils ont pioché plein de trucs, mais ça, pour le moment, ça donne pas l'impression d'être un gros fourre-tout, en fait. Ouais. Il y a Mila Kunis dans les actrices, après... Mila Kunis, il y a Sean Bean, ouais. Eddie Redmayne, ouais. Et Channing Tatum, avec des oreilles pointues. Donc, qui va jouer Spock? Spock ou Legolas, c'est au choix, selon ta culture. Mais... voilà. Ok, et donc on va passer rapidement à la bande-annonce que Quentin a choisie. Puisqu'on vous en a déjà parlé dans l'agenda cinéma qui était juste avant, c'est White Bird. Donc, si tu peux juste me donner ton ressenti rapidement sur la bande-annonce. Bah, la bande-annonce est très, jolie. Le thème du film a l'air assez intéressant. Enfin, c'est du Greg Araki. Donc, moi, j'ai pas encore vu de film de Greg Araki, mais c'est vrai que celui-ci me donne vraiment envie. Voilà, il y a Eva Green, Shailene Woodley qui a fait beaucoup de teenage movies, mais qui donne vraiment l'impression quand même de pouvoir faire mieux. Donc peut-être que ça risque d'être le film qui va, j'espère pour elle en tout cas, qui va la lancer un peu plus. Donc elle avait déjà pas mal. Ouais, mais c'est très teenage, hein, Nos Étoiles Contraires. Hein. Enfin, moi je l'ai pas encore vu, mais la bande-annonce, voilà, un petit peu le thème, tout ça. Ouais. Donc oui, ça promet. Puis Greg Araki a l'air d'être quelqu'un d'assez visuel en plus. Ouais, ouais. Donc voilà, je suis très. La photographie est magnifique hein, sur la bande-annonce. Ah oui, sur la bande-annonce, même sur l'affiche, ça donne tout de suite le ton. Donc je suis assez curieux. La bande-annonce m'a un petit peu fait penser visuellement à. C'est curieux d'ailleurs à Lovely Bones de Peter Jackson. Ouais. Les couleurs très travaillées comme ça et. Ah, les côtés. J'avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis. Le côté rêve, un peu, du tout. Voilà, donc on vous conseille aussi d'aller voir cette bonne annonce. Et nous, on va se retrouver pour se dire au revoir avec Quentin. Et nous sommes déjà malheureusement à la fin. On a passé un bon podcast ensemble. On a bien débattu. Et donc, Eddie, dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet. Alors, sur. Je vais dire sur Twitter, mais je ne suis pas souvent. Donc, Eastark Film sur Twitter. Mm-hmm. Sur la page Facebook. Ouais. Sur Sens Critique, Eastark. Et sur Movies Nerd, Eastark aussi. Ouais, voilà. Quentin ? Et donc moi sur Twitter, donc Geek of the Galaxy, et puis sur le site bien sûr, ouais. Et également sur Sens Critique. Ok, moi c'est TheLexal sur Twitter, vous retrouvez bien sûr tous sur le site Movies Nerd. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos critiques écrites, parce qu'on ne fait pas que des podcasts, on fait aussi des critiques écrites, qui sont un peu plus construites. Que à l'audio, mais voilà. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter à @moviesnerd, sur Facebook, sur Google Plus, même si voilà, Google Plus, c'est pas... mais je continue à poster dessus, même s'il n'y a personne, c'est pas grave. Sur Facebook ? Non, sur Google Plus. Sur Google Plus, ouais. C'est un peu le vide intersidéral, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, à laisser des commentaires, c'est important. Sur SoundCloud, vous pouvez aussi nous écouter, et c'est à peu près tout. On vous souhaite un bon mois, on se retrouve le mois prochain, et bonne séance de cinéma durant ce mois-ci. A plus. Salut. Salut. Sailing, you're a gone boy. When you're sailing, you're a gone. He's the top of the West, always cool. He's the best. He keeps alive with this cult 45. Who's the guy? Who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen